papier sale. Il ne se les lave jamais. Il vit dans le grand lac, les pieds dans l'eau mais ne les lave jamais. Le crapaud a les pieds sales, il ne se les lave jamais. Il vit dans le grand lac, les pieds dans l'eau mais ne les lave jamais. Ça pue des pieds. Dis donc, cette chanson du crapaud est vraiment trop facile. On essaie de la chanter avec une seule voyelle? Bon, alors commençons avec le A. La crapa à la pas sale, al nasa la lave jamais. Al va à la grand lac, la pada lama la lave jamais, sa pada pas. Et maintenant avec le E et ainsi de suite. Le crepeux, le peu seul.